بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة الواحدة والثلاثين 31e مسألة. كما قلت لكم يدي مسائل دي فوا que l'on saute et que l'on passe. Donc l'on passe directement à la 31e. في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit et que celui qui s'en prend à vous, alors prenez-vous-en à lui, comme il s'en est pris à vous. Comme il s'en est pris à vous. Surat al-Baqarah, verset 194. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على طلب الانتقام وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. Que ce verset démontre qu'il est demandé de se venger, de rendre l'appareil à celui qui nous a fait du mal. Et que Allah Azzawajal l'a autorisé dans plusieurs versets. Parmi ces versets-là, sa parole dans le sens où il dit, et que ceux qui se vengent après qu'ils aient été lésés, alors cela, il n'y a aucun greffe sur eux. Le greffe n'est que pour ceux qui ont fait du mal aux gens, c'est-à-dire injustement. Surat al-Shura, la consultation verset 41 à 42. كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. Que Allah, dans le sens, il dit que Allah n'aime pas qu'on nous profère de mauvaises paroles à part celui qui était injustement offensé. Surat les femmes, verset 148. كقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. Que celui du fait que celui qui fait subir tout comme on lui a fait subir et par la suite est lésé, alors Allah le secourra. Surat al-Hajj, verset 60. Wa qawlihi ta'ala wallazina idha asabahum al-baghyu hum yantasirun. Et ceux qui sont atteints d'une offense puis se défendent. Kadhalik, surat Shura, la consultation, verset 39. Wa qawlihi wa jazaa'u sayyatin sayyatun mithluha. L'attribution d'une mauvaise action en sera une autre de la même façon. Surat al-Shura, verset 40. Consultation, verset 40. وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ أُخَرْ تَدُلُّ عَلَى الْعَفُ وَتَرْكِ الْإِنْتِقَامِ فَاسْفَحِي الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Et d'autres versets sont venus pour démontrer justement qu'il faut pardonner et délaisser le fait de se venger. Dans la parole, dans le sens où Allah est dit, et pardonne d'une bonne façon. Surat al-Hijr, verset 85. وَقُولِهِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْذِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui retiennent leur colère et ceux qui pardonnent aux gens. Surat al-Imran, verset 134. وَقَقُولِهِ تَعَلَى اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنِ. Et repousse de la meilleure des façons. Al-Mu'minun, verset 96, les croyants. وَقُولِهِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et que celui qui patiente, qui endure et pardonne, cela fait partie de la grande détermination. Shura, verset 43. وَقَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوَ وَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Que Allah dit, prends le pardon et comporte-toi bien et détourne-toi des ignorants. Al-A'raf, verset 199. وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, c'est-à-dire leur parlent mal, ils disent salam. Verset 63, Sourate al-Furqan, discernement. والجواب عن هذا بأمرين. أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو. ويدل لهذا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرت لهو خير للصابرين. Donc il y a en cela deux réponses. Premièrement, que Allah Azza wa Jal a démontré qu'il est permis de se venger, de se défendre, de rendre l'appareil. Mais cependant, il a indiqué ce qu'il y avait de meilleur à faire, c'était de quoi? De pardonner. Comme dans le sens où il dit, et que si jamais ils subissent, ou plutôt, si plutôt, et si jamais ils font subir, alors qu'ils fassent subir comme ils ont subi. Et que si jamais ils endurent, alors cela est meilleur pour les patients. Wa qawlihi ta'ala la yuhibbu Allahu al-jahr bisumni al-qawl illa man dhulim. Fa'azina fi al-intiqam biqawlihi illa man dhulim. Et que Allah n'aime pas que l'on profère de mauvaises paroles à part celui qui aurait été lésé. Donc Allah a autorisé justement de rendre l'appareil. Comme il a dit, hormis celui qui était lésé. ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدو خيرا أو تغفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Et ensuite, il a indiqué le fait de pardonner. Dans sa parole, dans le sens où il dit que si jamais vous faites apparaître un bien ou que vous le cachez, alors que vous pardonnez d'un mal qu'on vous a fait subir, alors certes, Allah est pardonneur et omnipotent. Sourate An-Nisa, verset 149. Donc ça, c'est le premier wajh. Que Allah Azzawajal a permis de rendre l'appareil, et malgré cela, il a indiqué qu'il était meilleur de pardonner. Al-wajh al-thani, an al-intiqam law mawdu'un yahsunu fihi, wa al-'afwu law mawdu'un kadhalik. Et l'autre réponse qu'on le pourrait donner, c'est que le fait de rendre l'appareil, de se venger, doit être mis dans son contexte. S'il est placé dans son contexte, c'est une bonne chose. Et que le pardon, mis dans son contexte, est une bonne chose également. وَيْدَحُهُ أَنَّ مِنَ الظَّالِمِ مَا يَكُونُ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِ إِنْتِحَيْكُ حُرْمَةِ اللَّهِ أَلَا تَرَوْا أَنَّ مَنْ غُصِبَتْ مِنْهُ جَارِيَتُهُ مَثَلًا إِذَا كَانَ الْغَاضِبْ يَزْنِي بِهَا فَسُكُوتُهُ وَعَفُوهُ عَنْ هَذِي الْمُظْلَمَ قَبِيحٌ وَضَعْفٌ وَخَوَرٌ تُنْتَحَكُ بِهِ حُرْمَةُ اللَّهِ فَالْإِنْتِقَامُ فِي مِثْلِ هَذَا وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَدُوا الْآيَةَ. Il donne l'exemple, مثلاً, que les choses, les injustices sur lesquelles on patiente et on endure, cela est une violation des droits d'Allah Azza wa Jal. Il donne l'exemple d'une personne, par exemple, à qui on aurait pris son esclave femme, puis celui qui lui a enlevé son esclave femme se met à faire zina avec elle. Donc le fait de se taire sur lui et de lui pardonner, cela est une chose qui est mauvaise. Et cela est une faiblesse. Et cela en soi est une injustice. Car cela permet de quoi ? De violer les lois d'Allah Azzawajal. Donc à ce moment-là, le fait de rendre l'appareil et de se venger, cela est une chose qui est wajib. Et quand on dit se venger, c'est selon le shara, bien évidemment. C'est-à-dire faire appliquer la sentence, légiférer. Et c'est cela que vient la parole de l'Allah Azzawajal dans le sens où il dit que si, yani, prenez-vous-en à celui qui s'en est pris à vous. Azzaw. Ey, kama iza bada'a al-kuffar bil-qital, fa qitaluhum wajibun. Comme, mathalan, également dans le fait où les kuffars commenceraient à vouloir nous combattre, alors le fait de les combattre est une chose qui est obligatoire. بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح نحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. Contrairement à celui qui aurait été offensé par ses frères musulmans par de mauvaises paroles. Juste de mauvaises paroles. Alors cela, le fait de pardonner, cela est meilleur. Cela est meilleur. Naam. Donc là, le cheikh a bien précisé en ce qui touche à quoi ? Au droit de la religion. Le pardon en ce qui touche aux choses personnelles, cela est meilleur. Et les choses qui trouvent au droit de la religion ou au droit d'Allah Azzawajal, en cela, il faut faire subir la sentence. Et cela également est valable pour les choses qui touchent à la da'wa. Différencier entre les affaires personnelles, une personne qui parle main sur toi, et une personne qui s'en prend à la da'wa. Donc le fait de parler sur lui, de le réfuter avec dureté et sévérité, d'accord, cela n'est pas de mauvaises paroles. Si cela est fait pour Allah Azzawajal, dans les limites du shara, et que le but dans cela est de défendre la religion. Cela ne rentre pas dans le fait de devoir pardonner que cela est meilleur. Cela rentre dans le cas de la défense de la religion. Naam. Fa bihadal kod naktafi, walhamdulillah bil alamin.